dépassé. Quand le mathématique élément dans le beat, ces phrases que fantastiques parlent de la vie, de l'amour, jusqu'au chant des oiseaux qui pointent au petit jour. Bonjour chez vous. Je stigmatise les besoins, la parano de mes voisins de palier, afin d'y pallier. En clair, je suis fier de vous inviter à vous bouger. Les voix c'était poli dans ces moments magiques et stéréophoniques. La mélodie que nous menait dans des étapes à la tic-tac. Je devenais fou quand la musique était en moi. Rappelle-moi, rappelle-toi. Tous les sons font partie de cette histoire, tant le groove est notre mémoire. Come on, come on.